enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Non, mais plus ça va, plus je me rapproche de la poubelle. Je sais pas si c'est bon signe, là. Pauvre homme qui s'est fait appeler Monsieur Poubelle. Mais en fait, c'était son véritable nom. Ah, mon. J'y suis, donc j'y pense. Non, mais hey, moi, j'aime ça quand débuter avec en me faisant trébucher moi-même, en m'auto-trébuchant. Quand on s'auto-trébuche, on sait déjà qu'on va tomber. On le sait. C'est nous-mêmes qui décidons. Donc, on peut se préparer à une chute un peu moins virulente et blessante que lorsque l'on se fait surprendre par un croche-pied donné par un triporteurs. Les triporteurs. Là, les gens vont dire, ouais, mais toi, regarde, toi, tu scooters, bibi. Moi, ça fait pas bibi, c'est électrique, cette affaire-là. Moi. Là, il y en a d'autres qui me disent, ah, il va encore parler de choses. Oui! Ça sent le début de la saison. Nous, les moteurs, on se prépare. Et quand on se prépare, ça commence par l'intelligence. La tête à l'intérieur. Faut se voir. Faut se voir rouler. Là. Tu montes les côtes, 3-4 coups de pied, parce que moi, c'est un scooter électrique 50 watts. 500 watts, pas 50 watts quand même. 50 watts. La trottinette en avant de toi va plus vite que toi. 500, bingo! Ah ouais. Puis là, hey, faut vraiment... C'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. C'était pas un dur, là, un dur à cuire. On veut pas de saignant chez nous. Ah, oh, mon Dieu, on veut de la semelle de botte. On veut quelque chose, quand t'as patao, on claque, puis on est des violents, nous autres, on se promène, là. La petite fille qui court à côté de nous, là, elle nous dépasse. Ben oui, elle apprend son cardio. Donnez-moi de l'oxygène. Ben oui. Regarde-moi avec mon scooter, là, la petite bédaine, petite bière à côté, je roule tranquillement. Regarde le monde qui s'excite, là, qui marche, les imbéciles. Continue à marcher, bande de crottés, sans scooter électrique. Oh. Ça me prend une heure et demie à aller travailler normalement l'hiver. Et en été, printemps, été, automne, prend à peu près 22-23 minutes. Ah, bande de crétés, continuez à souffrir. Excusez-moi. Moi, je suis connu comme Barnadette dans la prison. Les portes qui ferment derrière Barnadette un jour risquent de s'ouvrir. Mais elle sortira dans quatre planches en bois, cette Bernadette qui n'a pas trouvé le fond. Bernadette Lafond, un petit lien pour... RIP Bernadette Lafond, une petite pensée pour une grande actrice. Elle a joué dans un film de Jean-Luc Truffaut. Moi, je connais ça le cinéma, moi, Jean-Luc Truffaut. Une belle fille comme moi. Hey, regardez ça, amusez-vous. Je pense que c'est gratos sur des sites illégaux. Non. Sur YouTube, le film est complet. On a le droit. Personne ne l'a enlevé. Fait que si on l'a pas enlevé, bon. Non, on nous permet. Si on nous enlève rien, on nous le permet. Là. Les cigarettes sont en vente. C'est pas enlevé. Donc, on y va. On va essayer de tranquillement se laisser partir dans la souffrance. Sur la route 66, ça, là, ça, je me suis dit en écrivant ça. Rénal. Je me parle souvent comme ça, moi. Rénal. Là, quelquefois, je me dis, hein, oui. Oui, c'est moi, oui. Renan, oui. Ça va bien, Renan? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Voyons donc, vas-y. T'as de la misère à... Toi, je suis sûr que t'as un scooter à gaz. Moi, un scooter électrique, ça fait pas... Ça passe. Ça fait pas de bruit. Tu réfléchis sur ton temps passé, ton temps à venir et ton temps qui finira, parce que cette année, c'est ma dernière année du scooter. Je vais me faire tuer. Je me ferai frapper. Je sais pas, j'ai des sensations étranges, puis je peux pas aller à l'encontre de ça. Les gens disent, ah, voyons, donc, si tu connais ton destin, arrête-le. Ben voyons, non, pas du tout. Je connais mon destin, je te sens destin, je continue. En plus, la vie serait ça, mourir, voyons, donc, sinon, ça serait quoi de vivre si on peut pas mourir? On a le droit de mourir comme on veut, dans l'indignité, puis dans la souffrance interne. Bon, hein, les grands poète, là. Aïe. Comment ça, tu souffres? Aïe, oui, je suis trop grand, j'ai mal aux doigts. Aïe. OK, je croyais que tu souffrais intérieurement. Comment? À l'intérieur. Je souffre à l'extérieur et à l'intérieur. Je me sens comme un biscuit sec et crémeux. Oh, monsieur! Là, êtes-vous dans le sec ou dans le crémeux? En parlant de crémeux, m'en vous raconter une anecdote que j'ai déjà dite. Une anecdote, oh là, j'ai mon puriste qui va dire non, relaxez-vous, là, bon. Prenez 3-4 menthes, des bonbons mentholés, Faites-les jouer dans votre bouche. Parce que quelquefois, je m'écoute, souvent je m'écoute et je me dis, oh, j'ai pas fait le lien au féminin, donc j'aurais dû fermer ma bande en babouche. En babouche, en scooter, c'est beau. Bon. Et puis sur la route 60, ça c'est mon adrénaline. Il paraît que je vais faire au moins 25-26 heures avec ça. Là. C'est ça. On verra. Mais là, quand je la lis, je vois très bien ce que je lis, mais on dirait que j'ai moins de sensations que lorsque je l'ai écrit. C'est ça, là, les créateurs sont... On est de même, nous autres. Les artistes, on est nous-mêmes des incompris vis-à-vis notre propre personne. On se regarde, « Ah, suis-je vraiment moi? Suis-je là? Suis-je présent dans le passé? Dans le passé, dans le présent? Suis-je le futur de mon inconscient collectif? Est-ce que ma collectivité me suit par devant? Normalement, là, ce serait l'analepse, hein, par en arrière. Oh non, pas par en arrière, s'il vous plaît. Là, il y a assez que mes patrons font ça par en arrière. Tout le monde fait ça. Puis, on a eu des nouveaux frigos chez nous. Mine dans l'entreprise. La propriétaire m'a dit, « Hey, tu vas aimer ça, tu remplis ça par en arrière. » Oh mon Dieu Seigneur. Marie-Christine, elle n'aime pas ça par en arrière. Non, non, non, non. Elle m'a dit, oh, non, non, moi, c'est en avant. Bon, OK, on va faire ça en avant. Mais le propriétaire a dit par en arrière. Elle dit, laisse la faire. Moi, là, par en arrière, je ne veux rien savoir. Mais si tu veux rien savoir par en arrière, pourquoi ils ont mis ça comme ça? Tu aurais dû donner ton point de vue. Ah, ils ne nous écoutent pas. Bon, on est juste des employés, c'est vrai. Marie-Christine, je pourrais te faire aimer ça, placer ça par en arrière. Faut commencer tranquillement. C'est mon cours de... Combien des initiations. On sent déjà Daniel Ouimet, hein? Initiation, Daniel Ouimet. Oh, il y a des liens, là. Si vous êtes devant votre tablette, mangez votre palette. Non, mais si vous êtes face à votre ordinateur, j'aimerais que vous lui disiez merci, bonjour, et je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui. Non, mais on oublie de parler à nos ordinateurs. Hein? On les prend pour des imbéciles. Ben voyons, c'est un robot. Là. Même les robots ont des petits remue-ménages. Des remue-ménages. Ils se lavent pas, puis ça pue. Mais... Comme un adolescent. Moi, je suis un adolescent de 47 ans. Je sens pas, puis je pue pas. Il se passe rien. Quoique, hier au soir, il s'est passé quelque chose. J'ai bu un demi. Je commence par le demi, après ça, on va monter. Là. C'est comme la hiérarchie. Là. Plus tu montes, plus tu vas descendre rapidement. Hein? Monte-moi ça, mon, hein, quand tu vas... Ah, c'est ça, j'avais écrit un texte, faudrait que je l'imprime, mais... En tout cas, peut-être pendant l'émission, quoique je ne fais pas trop d'intervention pendant mes invités. Je les laisse flamboyer de leur grand talent. Mais sur la route, c'est le texte qui doit m'animer, pas le prélude. On me dit que je suis trop fort sur le prélude, moi. Là les gens se disent, oh, il a parlé par en arrière, par en avant, l'initiation. Ben oui, c'est ça. Sur la route, 60, je suis comme, non, excusez-moi, madame, merci d'être là, hein, en passant. Merci de m'écouter, de nous écouter, c'est KRL, on est là pour vous. Et écrivez-moi à Reynald Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@hotmail.com. Je vous ai pris par surprise, vous n'aviez pas de crayon, je le sais. Je vous laisse 2 minutes, OK? Là, il est 14:00. Dans 2 minutes, je reprendrai mon courriel, mon adresse courriel. Croyez-vous sincèrement? Vais-je y repenser-je? Je ne sais pas. Mais je vais me préparer un pense-bête. Alors, lorsque je pèserai là-dessus... Oui? Non. Ah, hey. Oh, OK, parce que la boutique est pleine. On va remplir ça par en arrière. Attends un petit peu. Effacer. Hey, c'est en anglais. Comment ça, j'ai acheté ça en anglais? Hey, monsieur, au moins, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Erase. C'est le nouvel album du chanteur de Computer. No Computer. Allô, computer. Salut, ça sent bien, toi? Ah, t'es mon ami, computer. Non, c'est... Ah, les gens le savent. OK, computer. Radiohead. C'était bon, Radiohead. Hein? Je ne sais pas si le groupe existe encore, là, mais Tom York. Tom York. A fait un disque solo. Je pense que c'est son premier, c'est Eraser. Alors, en parlant d'Eraser... Bon, alors, j'ai déjà pris... Vous avez entendu de loin... Comme J.J. Lamorose. J.J. Lamorose, hey, toi là-bas dans le noir. Attends, sale petit, tu as volé mon vélo, toi, hein? Mais prends son scooter, c'est à lui. Il a assez de fric pour s'en en procurer un autre, parce qu'il l'a pris à bas prix. Pourquoi il l'a pris à bas prix? Il l'a utilisé. On va dire pourquoi. On n'a pas de truc de magicien, nous. On va vous dire pourquoi. Il a pris son titre de garçon médiatique pour se faire baisser, non pas les culottes, le prix. Oh, c'est beau. Attendez. On va faire jouer ça, c'est beau. Ah, oh, c'est terminé, non? Allez-y. Attendez, vas-y. Oh, comment on craint ça? Ah, oh, c'est beau. Écoutez bien. Oh, c'est... Oh. Joyeux Noël à tous. On vous embrasse. Là, on entend tout le monde. On entend le chat percé puis le rocher qui se déperce. Et Didier le perce! Comment fermer ça? On peut pas le fermer. Il faut que ça arrête tout seul. Bon. Et puis là, nous étions rendus à vous raconter l'improvisation qui va suivre, je sais pas, après ça. Là. Bon, vas-y donc. Hein? Peux-tu nous rappeler ton adresse courriel? Ben oui, on va te le rappeler, mon champion. On se demande, est-ce un champion ou une championne? Alors, question pour... Peux-tu nous rappeler ton adresse courriel? Question pour un bisexuel. Bon. Pas encore certain. Est-ce que je vais me faire poser? Est-ce que je vais me faire retirer? J'en ai-tu pas? Dois-je en avoir une? Bon. On s'en pose des belles questions pendant notre vie, hein? Normalement, c'est quoi? C'est 90 ans l'existence du genre humain? Je pense que pendant 85, on s'en pose. Puis pendant 2 ans et demi, lors de notre naissance, on a un petit peu de plaisir. 2 ans et demi avant la fin de notre vie, ben on essaye de bien mourir. Là. Attends là. Est-ce que je vais être fait? J'ai peur d'être... Menti, c'est d'être fait. Pouvez-vous me passer la paille, madame? Des gâteaux, des moches. Sur la route 66, à la recherche d'un francophone. Ils m'ont placé là. Je ne dirais même pas avec quel instrument de locomotion. Vous vous en doutez. Moi, c'est pas une Mustang. Il fait des bangs. Peux-tu faire des bangs? Ouais, on peut faire des bangs sur la route 66. C'est une route longiligne. Intéressante, puisqu'on peut faire jouer de la musique avec Chris Rea on the road. On the beach. C'est pas on the road. On the box. Attends. On the box, c'est aucun de ses choix. On the beach, c'est Chris Rea. Chris Rea, en tout cas, Bob et Nature. Et l'autre, c'est quoi? Oh, et puis là, on the road, c'est Jack. Con Jack, they rock, and they rock, cock, moi, j'ai jamais ça. Mais manger des caca Jack, c'est un risque. Hein? Il y a des motons durs là-dedans, là. Puis moi, ben, des motons durs, j'en ai eu pendant toute ma vie. Fait que je veux pas. Mais il y a un cadeau à l'intérieur. Je sais pas s'il y en a encore. Il faudrait que je regarde sur les internets. Ont-ils enlevé les cadeaux? Ben, on retire tout de notre temps. Les gens qui nous vendent des produits nous enlèvent le trois quarts de notre plaisir qu'on avait à l'époque. Le mail soufflé, ça explose, mais pouf, mais pas comme avant. Juste un petit pouf. Avant ça, c'était pouf! Là, c'est pouf! Ta boisson gazeuse, ça faisait... Maintenant, ça fait boulou, boulou, boulou, boulou, boulou. Ta bière. Ta bière. Qu'est-ce qu'elle faisait, ta bière? Elle faisait... Aujourd'hui, ça fait... On se fait avoir. On se fait avoir par bien des affaires. Et hey, puis non, surtout nos MP3, on s'ajoute des MP, des outils pour musicaux pour nous envelopper l'atmosphère pendant qu'on est en autobus devant des incompétents, des gens qui ont rien à dire, puis des radoteux, puis des pueurs de réverbères, puis tout ce monde-là. Hey, ils nous ont contrôlé ça parce que les adolescents augmentent le son, puis ils peuvent devenir sourds. Mais nous autres, on veut devenir sourds, on a 95 ans, on est conscient qu'on veut devenir inconscient. On est conscient à cet âge-là qu'on veut perdre tout. L'ouïe, l'odorat, le visuel potentiel. Ça, c'est pas comme le visuel global. Si vous n'avez pas de connaissances, c'est compliqué. Là, ce que je vous dis là, non, mais le visuel potentiel, c'est ce que vous pourriez peut-être voir si vous ouvririez les yeux. Hein? Tu les fermes? Non, madame, je la ferme pas encore. Non, il reste encore 3 minutes. Ouais, c'est ça. Mettez votre sac en plastique, là, vous l'enlevez, retirez-le lorsque je vous dirai l'ambulance arrive. Okay. Mais il nous arrive des affaires. Mais sur la route 66, quand tu roules, tu déboules aussi parce qu'il y a un petit mont. Je ne sais pas si vous avez roulé là-dessus. Moi, je l'ai fait 4 fois. Là, à reculons parce que à un moment donné... Le prévisible n'est plus risible. Ben beau le clown, là. Mais ah ouais, le clown tombe sur ta banane, on va savoir ce que ça va faire. Tu vas faire pouf, le monde va faire. Y en a-tu des clowns? Ils n'ont pas besoin de bananes. Les médias, là, sincèrement, sont pas loin de ça. Hein? Bon, et puis donc, la route 66. Ah oui, Monsieur Gagnez, je vois un rénal lunaire et non pas planétaire, en dehors des orbites, tout près des étoiles. Oh oui, je vois. Le regard humaniste et non pas esthétique apporte une qualité de rencontre des plus mémorables. Je répète parce que je l'adore, le regard humaniste et non pas esthétique apporte une qualité de rencontre des plus mémorables. Je vais placer ça sur mon fesse-moi balle. Hein? Oui, c'est fesse-moi la bouche. Moi, c'est pas fesse, non. C'est fesse-moi la bouche. Je parle tellement là-dessus que même dans la vraie vie, c'est impossible qu'il soit aussi... Ah, hey, tantôt, je vous parlais de ça va bien. Il y a quelques mois, je rencontre un client. Je travaille dans une épicerie, puis je lui demande « Ah, ça va bien? » Puis je le vois l'été arriver en camisole blanche avec un beau cerne jaune, symbolisant la bière qu'il avait bu il y a quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Là, en hiver, ben il s'habille un peu plus. Là, il met sa camisole, mais il rajoute 2-3 épaisseurs. Puis avec lui-même, c'est quand même assez épais. Je dis « Ça va bien, monsieur? » Il dit « Ah ouais, ça va bien. Je mange mes 3 repas par jour. Ouais. Mes selles sont consistantes. » Là, je dis, mais il me fait une blague, c'est un humoriste. Ah ouais, ils vont des chats sortent de ce corps. Mais non! Mais non! Il était sincère, là. Dans la seule cellule humoristique, il y avait cette citation-là de lui-même. Alors, lorsqu'on vous dira ça va bien, oubliez pas, hein? Votre réplique, c'est ah oui, je mange mes 3 repas par jour. Non, je mange mes 3 repas par jour. Là, vous attendez un peu, hein? Dites pas le punch avant, là. Okay? Rénal, est-ce que ça va bien? Ah oui, ça va bien. Je mange mes 3 repas par jour. Puis, mes selles sont consistantes. Là, tu vas voir qu'au mot sel, là, ils vont rajouter du poids, ils vont éternuer, ils vont s'esclaffer. Oh! Ce bouquet de pleurs témoigne de ma grande blessure. C'est merveilleux! On écoute ça où? J'espère que c'est juste à ton émission, parce qu'on tolère ça, mais ça ne durera pas longtemps. 120 minutes d'obscénité, c'est ça, va chercher ton papa, il va t'aider. Nous emprisonnons, ça c'est bien ça, mais je vais la dire à la fin de ma présentation. Parce que ce soir, madame, mademoiselle, messieurs et les autres, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Depuis quand même 26 minutes, c'est presque fait. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce réalité, mes amis, à l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné, Monsieur le Président, Monsieur les patrons cathodiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission indépendante francophone Errance Rénaldienne. Pas ça, là. Une page blanche. C'est beau, les pages blanches. Mais qu'est-ce qui se passe après? Mais il n'y avait pas la présentation de Madame... Madame qui? Non! Où elle est, Madame... On l'a perdue dans le climatologue. Ben voyons, c'est impossible. Comment perdre une femme aussi flamboyante et incroyable? Bon. Est-ce qu'on passe une petite chanson, puis après ça, on revient? Ce serait peut-être mieux. Les amis, qu'en pensez-vous? C'est une solution. Mais là, on ne sait pas quelle chanson. Mais on va choisir le même au hasard. Et puis, ça, c'est mon bruit de cochon dingue. Parce que quand c'est à la recherche de... Oh, on n'aura pas passé à la chanson, madame. Oh, calmez-vous. Parce que je me suis retourné, on m'a assommé avec 3-4 coups de pelle. Avez-vous entendu les pouf, pouf, pouf, non? En fait, c'est peut-être dans ma tête, ça résonne. Ça m'a assommé, un peu comme ma dernière rencontre avec 5 et 6 de senteurs incroyables. 5 et 6 de... De grogne incroyable. En fait, on l'avait oublié dans le réfrigérateur pendant presque toute une nuit. Puis lorsqu'on a ouvert le réfrigérateur, puisqu'il était 8 heures, on peut vendre de la bière à 8 heures, mais il faut débarrer les réfrigérateurs. Elle était couchée, mais elle était prête. Hey, on a ouvert la porte. Nous nous fonçons dessus. Voyons donc. J'ai dit, madame, aujourd'hui, le vendredi 27 mars 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Je crois que mon micro baisse tranquillement, mais c'est pas le micro, c'est le gars, ou la bouche, ou les lunettes. En tout cas, c'est l'ensemble de l'œuvre qui est du... Non, c'est pas une... C'est... Pardon? Désœuvrement. L'ensemble du cafouillis, du brouillage, du brouillon, du couillon, du bougnon. bouillon. Moi, ce serait au poulet, madame. Puis, si vous, pouvez-vous rajouter un peu d'air, un peu d'air. Ah ouais, da-da-da, ouais, goodbye. Ah ouais, goodbye, ah ouais, goodbye, goodbye. Un peu d'ail. Pas du gâteau d'ail, mais de l'ail. Avec, si vous pouvez m'en mettre et m'en remettre, c'est 3 gouttes, puis là, c'est très important. Trois belles gouttes, j'ai dit. Bon, la belle B-E-L-L-E-S, parce que c'est 3 gouttes. J'ai planté ma goutte au creux de mon œil. Perdrai-je ma larme? Perdrai-je mes pleurs? Donnez-moi ça comme vous voulez, avec du fromage, s'il vous plaît. Moi, c'est beaucoup de fromage. Ben du fromage. Au moins, quand les gens me disent « Tu sens le fromage? » J'espère, j'en ai mangé 2,5 livres en 15 minutes. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'intellectuel Aurélie Sfez. Aurélie Sfez, née à Bordeaux. Excellent vin. Aurélie n'est pas un excellent vin, mais le Bordeaux, souvent... Le 8 avril, non pas le Bordeaux est né le 8 avril, mais Aurélie Sfez, le 8 avril, 60 et quelques. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Je suis beaucoup plus vieux qu'elle. Elle est une productrice à France Inter. Elle était une productrice à France Inter et compositrice française. Après des études de piano classique au Conservatoire de Bordeaux, Aurélie Sfez, lauréate du premier prix de concours national de France de piano, entre au Conservatoire de Toulouse. Où Claude Nougaro était présent. Et au département. C'est une blague. Et au département. Ne dites pas ça à tout le monde, là, c'est entre nous et avec vous, entre nous. Bon. Et puis, donc, l'Université de Toulouse, le Mirail, puis. Comment? Oui, madame, ça va bien. prix du Concours national de France de piano. Entre au Conservatoire de Toulouse et au département de musicologie à l'Université de Toulouse, le Mirail, puis en maîtrise à l'Université de Paris-Sorbonne. Elle est reporter, chroniqueuse, compositrice et réalisatrice de documentaires pour la télévision et la radio. Rénal a eu la chance de la rencontrer, mais avant de vous faire entendre tout ça, je voudrais lire le texte que j'ai retiré parce qu'il me semble que la transition est tout à fait sympathique. Montez le micro, s'il vous plaît. Merci. À genoux, pliez les bras. Nous emprisonnons vos idées pour un temps indéterminé. Nous déciderons de l'avenir de votre pensée dès que l'endoctrinement sera terminé. D'ici là, restez apeurés et soumis. Le gouvernement de la normalité. People come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us. From the top to Metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drench, get offensive like that. The fifth sunsets, get back, proclaim. The spirit of Quatemo, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. War to war, fire, the shika. The motion came to try to steal your name, but now you got a gun.

en dehors de ça, on peut... En dehors de ça, tu peux faire ce que tu veux. Ah. Alors là, il y a beaucoup de chansons. Brassens, c'est certainement, oui, effectivement. Le gorille. Parce que tu vois, à un moment donné dans la chanson, ce qui est une chanson contre la peine de mort, oui. À un moment donné dans la chanson, à la fin, surtout, le magistrat se fait doucement rudoyer par le gorille. Oh, il se fait presque violer par le gorille, tu vois. Oui. Donc un juge... qui se fait torturer par un gros gorille. Oh oui, ça laisse ça laisse pas du tout. Non, je comprends aussi. Et qu'atombe de Brassens aussi. Country boy ain't got no shoes. Country boy ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand where the faces stand. At the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy ain't got no will. Country boy, you don't owe no bills. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him in a hook and you drop him in a brook. If everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy got a lot to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, got a shaggy dog. Country boy, up a holler low. Well, he comes in a run when you pick up your gun and with a shell or two and you're dogging you. When you get your rabbit, your skin is high. He's gonna be good fried. Country boy, you got a lot to do. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, you got work to do. Country boy, in the morning dew. You gotta plant the seed, you gotta cut the weeds. There's many a road, you know you gotta hope. When it's quitting time and your work is through, there's a lot of life in you. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me. Les tortues à moi, la carapace. Tout est rangé. rien ne dépasse. Chaque chose est bien à sa place. Tout est rangé, rien ne dépasse. Les tortues aboient la carapace. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home?

écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Another one bites the dust.

He's old and his skin is cold. Stop the car. I'm getting out. I can't take it. Hey, look out. There's somebody coming, and there's nothing you can do about it. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hallway, baby. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Meet me at the back of the blue bus. Meet me at the back of the blue bus. We'll be right back.